Troisième histoire, le trait d'union. Premièrement, Louise Duperrier avait 18 ans. Elle était jolie. Elle dansait avec grâce, chantait agréablement et jouait du piano comme tout le monde. Sa famille jugea qu'il était temps de la marier. Parmi les jeunes gens reçus dans la maison Duperrier, Édouard Laverny était un de ceux qui savaient le mieux se présenter. Tourner un compliment, respecter les règles d'un quadrille, déchiffrer à première vue la romance nouvelle. Il entrait dans sa 26e année. Il venait de se faire inscrire sur le tableau des avocats de Paris. On ne pouvait jeter les yeux sur un mari plus convenable. Madame Duperrier prit un jour son air le plus grave, pour annoncer à sa fille qu'elle eut à se préparer à devenir Madame Laverny. Les Laverny et les Duperrier étant tombés d'accord sur l'opportunité, de même que sur les avantages réciproques d'un mariage entre Édouard et Louise. Par respect pour cette coutume d'une sage prudence qui veut que deux époux s'étudient et se connaissent avant de serrer le nœud qui ne se dénoue plus, on avait résolu d'accorder à cette étude mutuelle une latitude raisonnable et la signature du contrat avait été remise à quinzaine. Comme Édouard, pendant la durée de ce délai, était autorisé à faire chaque jour une visite à sa fiancée, Madame Duperrier crut devoir donner quelques instructions à sa fille. Elles auraient pu se résumer ainsi. Mon enfant, point de caprice, point d'inégalité d'humeur, et surtout point de disparate dans ta toilette. Il faut que ton fiancé, à quelque moment qu'il se présente, te voie bonne, souriante et bien coiffée. Le mariage est une bataille à gagner, sois toujours sous les armes. Le cœur de Louise n'avait pas encore parlé. Son amour-propre ne trouva rien à objecter au parti qu'on lui imposait. Le nom de Laverny lui parut même sonner agréablement à l'oreille. Elle se jeta donc au cou de sa mère en signe d'acquiescement et se disposa à suivre des préceptes qu'on aurait pu se dispenser de lui donner, attendu qu'ils sont innés chez les jeunes filles. La tâche, au reste, ne fut pas difficile à remplir. Édouard, tout glorieux d'un mariage qui lui assurait deux choses généralement enviées, une belle dot et une jolie femme, n'eut garde de se montrer autrement qu'en toilette, au moral aussi bien qu'au physique. Louise pouvait-elle ne pas être aimable avec un fiancé toujours gracieux, toujours empressé, toujours soumis? La quinzaine d'épreuves se passa des deux côtés d'une manière si satisfaisante qu'on eût pu regarder le mariage d'Édouard et de Louise comme un mariage d'inclination plutôt que de convenance. Le jour du contrat venu, les parents entrèrent dans une foule de discussions et stipulèrent quantité de clauses propres à tenir en continuelle défiance l'un de l'autre, les enfants qu'ils allaient unir. Cela s'appelle sauvegarder les intérêts des futurs conjoints. Puis Édouard et Louise furent conduits en grande pompe devant M. le maire et M. le curé. Nous avons montré Édouard et Louise sous leur rôle de fiancés. Voyant ce qu'ils étaient au fond, d'excellents jeunes gens, peu faits pour vivre d'accord. Louise était ce qu'on appelle une enfant gâtée. M. et Mme Duperrier, en tout ce qui ne touchait pas directement à leur intérêt personnel, avaient toujours eu la faiblesse, ou pour employer une expression plus juste, la paresse de ne point contrarier ses fantaisies. Si elle n'avait eu un bon cœur et de l'esprit, elle eût été certainement la plus maussade et la plus ridicule personne du monde. Selon les idées qu'elle s'était faites sur le mariage, les devoirs sociaux d'un homme se résumaient dans la perpétuelle adoration de la femme qui avait daigné accepter le sacrifice de sa liberté. Édouard, sous ce vernis de galanterie et même de frivolité qui lui avait valu des succès dans le monde élégant, ne cachait point, comme beaucoup d'autres, un cœur vide et un esprit nul. Il avait au contraire des qualités sérieuses et solides. Son rôle de jeune homme aimable ne l'avait point empêché de prendre au sérieux l'article 213 du Code civil. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Le moyen que deux navires marchent de conserve lorsqu'ils font voile vers des pôles opposés, contrairement aux assertions des astronomes qui prétendent que toute lune se compose de quatre quartiers, la lune de miel des nouveaux époux ne se prolongea point au-delà du premier. Ils avaient encore, pour ainsi dire, dans l'oreille les mille voix qui leur avaient souhaité une félicité inaltérable quand le premier nuage vint assombrir leur horizon. Et pourtant, il faisait une de ces journées qui rendent l'âme bonne et l'humeur facile. Le ciel était bleu, le soleil resplendissant. Plus de visite à faire, Dieu merci, dit Édouard. Voici un beau jour dont nous pouvons disposer à notre gré. Et que nous allons consacrer à une délicieuse promenade, répondit Louise. N'est-ce pas, toi, la vie ? « Sans doute. Eh bien, madame, mettez-vous vite à votre toilette. Sois tranquille, je ne me ferai pas attendre. »« Quel bonheur, » reprit Édouard en se frottant joyeusement les mains, « de sortir un peu de ce Paris si confus, si bruyant, pour aller respirer l'air pur de la campagne. »« Tu dis, mon ami, Je dis qu'au mois de juillet, et par un temps comme celui-ci, la campagne doit être dans tout son éclat. Oh, la campagne, c'est bien triste. Y songes-tu ? L'aspect le plus gai, des bois sur les coteaux, des fleurs et des ruisseaux dans les prairies, des sentiers unis comme les allées d'un parc, des oiseaux qui gazouillent dans les arbres. Et pas une voix pour apporter à notre oreille ces mots qui font toujours plaisir. Voilà un joli couple qui passe. J'avoue que je préfère de beaucoup les boulevards. Oh, les boulevards, tu trouves que c'est amusant ? Ravissant, mon ami. Deux rangées d'arbres qui étouffent entre deux rangées de maisons ? Mais quelles maisons ? Des palais. Un pêle-mêle de gens affairés qui se heurtent, de voitures qui se croisent et qui s'accrochent. Une agréable variété de magasins, de toilettes. De l'agitation, du bruit, de la poussière. Point de bruit ni d'agitation à la campagne. Je suis forcé d'en convenir. Mais le silence du désert et l'immobilité de la tombe. Allons, mon ami, à vous de bonne grâce ta défaite. La campagne, c'est la mort. Les boulevards, c'est la vie. Hâte-toi donc, nous allons faire une promenade sur les boulevards. C'est convenu. Mais pas du tout. J'ai pour les boulevards une insurmontable antipathie. Dépêche-toi, c'est à la campagne que nous allons. Un ordre ? Une prière. Et tu es trop bonne pour ne pas t'y rendre. Céder à la tyrannie, quel que soit son masque, ce n'est point bonté, c'est sottise. Je serais curieux de savoir qui de nous est le tyran. Vous, monsieur, qui exigez que je sacrifie mes goûts aux vôtres. C'est bien plutôt vous, madame, qui ne tenez nul compte de mes désirs et qui prétendez me soumettre à vos fantaisies. Je vous déclare en tout cas que je ne suis nullement disposé à accepter le rôle de victime. Et moi, je ne veux pas être la vôtre, assurément. Édouard et Louise se regardèrent un moment comme s'ils n'avaient pas la certitude de s'être bien compris. Puis ils s'assirent, avec un air de mutuel défi, Louise devant son piano, Édouard sur un divan. « Si j'ai la faiblesse de céder aujourd'hui, pensa-t-elle, me voilà réduite à céder demain, après-demain, tous les jours. Il sera le maître, je serai l'esclave. Non, je ne céderai point. » Et se tournant vers Édouard, « Fille de la campagne, s'écria-t-elle. » Édouard faisait de ce comté la réflexion suivante. « Il est plus aisé d'éviter une première faute qu'une seconde. Ne lâchons point ce matin des rênes, qu'il me serait peut-être impossible de ressaisir ce soir. » Et en réponse à l'exclamation provocatrice de Louise, il lui renvoya celle-ci. « Fille des boulevards !» Il prit un livre et se mit à lire avec un calme imperturbable. Les doigts de Louise laissaient immobiles les touches du piano. Mais l'agitation de ses petits pieds, battant sur le parquet une mesure précipitée, attestait qu'elle avait des nerfs plus irritables que ceux de son mari. Édouard fit un léger mouvement d'impatience. « Cette lecture m'intéresse, madame, et je ne serais pas fâché de la poursuivre tranquillement. »« Eh bien, mais ce bruit vous incommode ? Il faut pourtant bien que j'étudie, monsieur. » Sans agiter les touches, singulière méthode. « Chacune a la sienne. Je suis désolé que celle-ci ne vous convienne pas. » La mesure s'anima au point de prendre les proportions d'un véritable roulement de caisse. « Au fait, dit Édouard, je puis me retirer dans mon cabinet. Je n'ai pas la prétention d'y mettre obstacle. » Édouard se leva. Louise, voyant qu'il se disposait à quitter le salon, reprit. « Si pourtant vous vous décidiez à vous accompagner sur les boulevards, c'est impossible, madame. » Au moment de franchir le seuil de la porte, il se retourna. « Mais si, de votre côté, vos réflexions vous conseillaient de vous suivre à la campagne ?»« Jamais, monsieur. » Édouard sortit à pas compter et referma la porte avec toute la gravité d'un aspirant à la magistrature. « C'est une déclaration de guerre, » fit Louise indignée. « Je l'accepte. » Et les réflexions qu'elle se mit à faire n'étaient certainement pas de nature à la conduire dans la voie des concessions. Était-ce donc là cet adorateur, si dévoué qu'il ait été jusqu'au bout du monde lui chercher la romance à la mode, si attentif à ses désirs qu'il en épiait les moindres indices ? Que d'hypocrisie perfide dans ce respect ! Dans cette attention, dans ce dévouement. Mais si elle sait laisser prendre au piège, elle ne souffrira point qu'on la traite en vaincue. C'est en fait à partir de ce jour, quels que puissent être les goûts de son mari, il est bien décidé qu'elle aura les goûts diamétralement opposés. « Oh, oh !» se disait Édouard de son côté. « Voilà donc cette égalité d'humeur, cette douceur d'ange qui m'avait séduit par-dessus tout. C'est une éducation à refaire, je m'en charge. » La querelle avait commencé après le déjeuner. L'heure du dîner arriva sans qu'il eût été fait de part ni d'autre la moindre tentative de raccommodement. On se mit à table avec une contenance passablement embarrassée, mais bien résolu des deux côtés à ne point s'imposer l'humiliation d'une avance. Édouard passa du premier au second service, et du second service au dessert, en conservant une physionomie imperturbablement sérieuse. Louise se fit un point d'honneur de manger comme si elle n'avait jamais eu de meilleure raison de se trouver en appétit. Cependant, Édouard ne résista point à la tentation d'éprouver qu'elle avait été sur l'esprit de sa femme l'influence de toute une journée de méditation. mais afin de ne point s'exposer par une raideur déplacée à perdre le fruit de cette première épreuve, il voulut bien dissimuler un moment l'autorité du mari, sous la forme modeste d'un simple vœu. J'aurais, dit-il, le plus grand désir d'aller entendre ce soir à l'opéra la musique du prophète. C'est un désir facile à satisfaire, répondit Louise, de son ton le plus sec. Si le ton n'est pas aimable, pensa Édouard, je constate du moins l'absence d'objection. Il y a du mieux. Que la forme soit assumante ou impérative, pensa Louise, ce n'est pas moins une volonté que mon mari s'est permis d'exprimer. Je ne plierai point. Édouard reprit, après un instant de silence, « Quelle sera votre toilette ce soir ?»« Celle que vous voyez, ma mère me trouvera très bien comme je suis. »« Votre mère, je croyais qu'elle n'aimait point l'opéra. » »« Qui vous parle de l'opéra ? Ce n'est point de l'opéra, ce me semble que j'ai l'habitude de rendre visite à ma mère. » « Ah, c'est chez elle que vous comptez aller ? J'ai résolu de lui consacrer cette soirée. Cependant, madame, je vous souhaite, monsieur, beaucoup de plaisir à l'opéra. » Louise se leva de table, fit à son mari une grave révérence et s'éloigna précipitamment. Elle ne se fut jamais pardonnée d'avoir laissé couler en sa présence une seule des larmes de dépit qui perlaient sous ses longues paupières. « C'est plus difficile que je ne pensais, se dit Édouard. Mais avec de la patience, on fait des miracles. Je tâcherai de n'en pas manquer. » Louise trouva pour toute société chez sa mère quatre demi-siècles silencieusement assis autour d'une table de whist. Elle ne put s'empêcher de regretter un peu la musique de Meyerbeer, mais elle se dit en guise de consolation qu'elle n'aurait au moins pas à se reprocher d'avoir laissé l'expérience incomplète, que pour assouplir le caractère de son mari, une seconde leçon serait probablement superflue, et qu'un pareil succès valait bien quelques heures d'ennui. Ce qui contribuait surtout à lui faire prendre son mal en patience, c'était la persuasion où elle était qu'Édouard, bien loin d'avoir eu l'audace d'aller tout seul à l'opéra, employait le même temps d'une façon plus triste encore, à gémir et à se repentir, seul dans son cabinet. Vers 10 heures, Louise jugea que le châtiment avait suffisamment duré. Cédant à un mouvement de compassion, elle prit congé de sa mère, refusa le bras d'un colonel en retraite qui offrait de la reconduire, et monta dans une voiture de remise, afin d'arriver plus vite. Elle était impatiente de voir la mine allongée et de recevoir les excuses du coupable. Elle s'exhortait surtout à ne point pardonner avant d'avoir bien posé toutes ses conditions. « Vous pouvez annoncer à monsieur que je suis rentré, » dit-elle à sa femme de chambre. Celle-ci répondit, « Monsieur est sorti et m'a chargé de prévenir madame qu'il ne serait point de retour avant minuit. » La stupéfaction de Louise ne peut se comparer qu'au mouvement de colère qui l'a suivi. « Je ne lui pardonnerai jamais cette conduite, » s'écria-t-elle en arrachant plutôt qu'elle ne dénoua les rubans de son chapeau. Elle oubliait en ce moment qu'on ne refuse de pardon qu'à ceux qui en demandent. Or, Édouard ne paraissait nullement être en disposition de s'humilier. Minuit était sonné lorsqu'il rentra. Il avait partagé toute la soirée l'avis de ceux qui trouvent que les auteurs d'opéra en 5 actes abusent singulièrement des oreilles du public. Mais reparaître chez lui avant la fin du spectacle, quelle faute ! C'eût été compromettre par un signe de faiblesse les heureux résultats qu'il attendait. Que de réflexions salutaires cette longue absence avait dû inspirer à sa femme. Comme elle avait dû être inquiète, et de quelle folle joie elle allait saluer son retour. Dans cette douce illusion, il se dirigeait vers l'appartement commun. « Doucement, monsieur, » fit la femme de chambre, « vous allez réveiller madame. »« Elle dort ?»« Depuis qu'elle est revenue de chez sa mère, voilà bientôt 2 heures. » Ce fut au tour d'Édouard d'être stupéfié et furieux. « Ah, elle s'obstine à lutter. Eh bien, nous verrons qui de nous deux se lancera le premier. » Il y avait, au fond de l'appartement, une chambre d'amis destinée à recevoir les visiteurs et les parents de province. Édouard alla prendre possession de la chambre d'amis. Le lendemain, au déjeuner, Louise regarda son mari avec un sourire d'une ironie provocante. « Monsieur n'est pas rentré cette nuit ? Je vous demande pardon, mais vous dormiez si profondément que, dans la crainte de troubler votre sommeil, « je me suis accommodé de l'appartement destiné aux visiteurs. C'est une heureuse idée que vous avez eue là. Vous trouvez ? Je tâcherai de mériter longtemps votre approbation, madame. » Le ressentiment et l'amour-propre aidant, deux conseillers ennemis de la justice et de la modération, la situation à partir de ce moment alla s'empirant chaque jour. Édouard et Louise, de plus en plus animés l'un contre l'autre, n'eurent bientôt d'autres soucis, d'autres occupations, que de se heurter, que de se froisser mutuellement. Dans leurs rares entretiens, ils avaient toujours sur les lèvres l'ironie et l'épigramme. Chaque action de l'un avait invariablement pour but de contrarier chez l'autre un goût, un désir, une habitude. Le bonheur et la paix étaient définitivement bannis du ménage. Louise était un jour en visite chez une amie. Il pleuvait. Pendant que ces dames devisaient dans le salon sur les modes et les spectacles, le maître de la maison rentra, suivi d'un jeune chien de Terre-Neuve, dont la robe et les pattes étaient trempées d'eau et mouchetées de boue. Heureux de se voir à l'abri, l'animal commença par secouer sa robe, faisant rayonner autour de lui sur le tapis et sur les meubles une rosée d'une pureté plus que douteuse. Puis il se mit à bondir joyeusement, gravant sur les robes de soie de sa maîtresse et de Louise l'empreinte de chaque caracole. Enfin, il alla se blottir sur un divan de velours bleu céleste, entre deux oreillers dont il rongea la passementerie par manière de distraction. De retour chez elle, Louise eut l'imprudence de raconter cette scène en présence de son mari, et de s'étonner qu'on pût prendre plaisir à se donner le désagrément d'un commensal aussi incommode. Cette observation ne fut point perdue pour Édouard, qui revint le même soir avec un chien de Terre-Neuve magnifique, répondant au nom de Tom. Pendant un déjeuner que donnait Édouard à quelques amis, l'entretien tomba sur les instincts et les mœurs des animaux. Chacun des convives exposait ses répugnances et ses prédilections. Parmi les animaux que l'homme a domptés pour son utilité ou pour son agrément, dit Édouard, quand vint son tour d'émettre une opinion, le chat est celui qui m'inspire le plus d'antipathie. Il est égoïste, il est voleur, il est cruel. Ses caresses ne sont point des marques d'affection. Elles expriment des besoins. L'office n'a point de réduit à l'abri de ses déprédations. Lorsqu'il tient une souris entre ses griffes, quel jeu barbare ne se fait-il point de lui rendre une liberté trompeuse pour se procurer le divertissement de courir sus et de la ressaisir, répétant 20 fois, 30 fois ses alternatives de délivrance et de captivité, jusqu'à ce que, rassasié d'un si féroce plaisir, il se décide enfin à terminer d'un coup de dent l'agonie de sa victime. Jamais le bourreau le plus raffiné n'imagina, pour un patient, une si horrible torture. Après cette virulente sortie de son mari contre la gente féline, Louise ne pouvait se dispenser d'avoir un chat. Elle choisit un superbe angora, qu'elle baptisa du nom de Raton. À l'exemple de leur maître, Tom et Raton ne vivaient pas dans une entente des plus cordiales. Louise, toujours prête à venir au secours de son favori, se montrait prodigue envers Tom de vertes corrections. Édouard, en reconnaissance, faisait largesse de coups de fouet à Raton, ce qui ne pouvait guère contribuer à aplanir les voies d'un rapprochement. Dans le nombre des personnes, que des liens de parenté ou leur position dans le monde obligeaient Édouard et Louise de recevoir, il s'en trouvait que monsieur favorisait de son affection, tandis que pour les autres, il ne ressentait que de l'éloignement. Madame se fit un devoir d'être pour ces derniers libérale de gracieuseté et de réserver toutes ses froideurs au premier. Il est inutile d'ajouter que monsieur usa largement de représailles à l'endroit des personnes que madame affectionnait ou détestait. Édouard, d'une humeur naturellement gaie, avait une aversion prononcée pour les couleurs sombres et par-dessus tout pour le noir, dont l'aspect ne suggérait à son esprit que des idées de tristesse et de deuil. Louise se prit subitement d'une belle passion pour le noir. Elle porta des robes noires, des mantelets noirs, des châles noirs, des chapeaux noirs, des voiles noires. On eût dit qu'elle avait perdu tous les membres de sa famille. La réplique suivit de près. Louise avait dit 100 fois qu'elle ne troquerait point pour un palais son délicieux appartement de la rue de Rivoli. Édouard éprouva tout à coup pour cet appartement trop coquet, pour cette rue trop animée, un insurmontable dégoût. Pressé de se cloîtrer dans une retraite moins mondaine et plus conforme, disait-il, au nouveau penchant que venait lui révéler la toilette de sa femme, il donna congé à son propriétaire et n'attendit pas l'expiration du terme pour aller occuper un local inaccessible au soleil, dans une vieille et triste maison de la rue la plus déserte du Marais. La table, terrain neutre jusqu'alors respecté, devint à son tour un commode champ de bataille pour ces deux puissances en état permanent d'hostilité. Si Édouard, grand amateur de gibier, rayait du menu les viandes blanches, Louise avait aussitôt pour les viandes blanches une prédilection marquée et proscrivait impitoyablement le gibier, dont l'odeur lui offensait les nerfs. Au milieu de ce conflit, grand était l'embarras de Rose, la cuisinière. La musique même, en dépit de l'opinion prêtée par Molière au professeur de M. Jourdain, était impuissante à rétablir l'harmonie entre des volontés si divergentes. Cependant, Édouard et Louise étaient également doués d'un sens musical très distingué. Thalberg avait appris à Louise à faire courir sur le clavier du piano ses doigts habiles et légers. Édouard cultivait l'instrument du grand Frédéric et pouvait passer pour un des bons élèves de Toulouse. Mais par une conséquence inévitable de leur mutuelle disposition d'esprit et au grand déplaisir des oreilles délicates du voisinage, à peine Madame jouait-elle dans le ton de sol que monsieur paraissait se prendre de prédilection pour le ton de la. Et si monsieur s'avisait de se complaire dans le mélancolique mouvement d'un adagio, madame attaquait aussitôt avec une impétuosité sans pareille une des plus sautillantes polkas de son répertoire. Ils vivaient ainsi depuis plus d'un mois, se renvoyant épigramme pour épigramme, procédé pour procédé, avec une telle émulation que l'escarmouche la plus insignifiante menaçait d'atteindre les proportions d'une bataille, et que le moindre nuage paraissait toujours gros d'une tempête. Le vase était plein, il devait suffire pour le faire déborder de la goutte d'eau du proverbe. Elle ne se fit pas attendre.